Le mois de mai, c'est le mois de l'arbre et de la forêt. CLML sait ce que représente la forêt. CLML possède des chargeuses sur roues en plus d'une dizaine d'employés. CLML œuvre dans les séries du secteur de Mistassini et Saint-Félicien. Les bureaux de CLML sont au 905 boulevard Amel, Saint-Félicien. 418-679-4194. Ici Mario Fortin, maire de la ville de Normandin. Le mois de mai est décrété le mois de l'arbre et de la forêt. Il est important de souligner la contribution de la forêt à notre activité économique et de tout ce qu'elle apporte à nos communautés. La forêt, c'est des milliers de travailleurs qui chaque jour gagnent leur vie. C'est aussi la villégiature, l'environnement et le milieu de vie d'une multitude d'espèces. Il faut souligner les contributions de tous et chacun dans les efforts de développement durable et de conservation. Ça a été également le temps de confronter des prises de position négatives et mensongères de certains groupes d'activistes environnementaux sur nos modèles de gestion qui, selon eux, détruisent nos forêts. Je souhaite que tous les bénéficiaires touchés par cette ressource continuent leurs efforts, leurs discussions, leurs réflexions dans un esprit de développement durable qui permettront à nos générations futures de pouvoir profiter pleinement de nos belles forêts en santé. Nouvelle équipe de la Ligue nord-américaine au J'aurais même le nom à suggérer pour l'équipe de Robertval. Oui. C'est comment je les appellerais, moi? Vas-y. Les Golden Knights de Robertval. Parce que les Golden Knights à Las Vegas. Ben, on va jaser avec le directeur des loisirs de la municipalité de Robertval, la capitale mondiale de natation, mais de 365 jours par année à Robertval. Mais de ce temps-ci, on parle aussi l'équipe de hockey de la Ligue nord-américaine, Carole Martel, directeur des loisirs, bonjour. Bonjour, M. Tissot. Les Golden Knights de Robertval, ça sonne bien? Ça sonne bien, surtout de ce il me semble que ce serait inspirant pour une nouvelle franchise de s'appeler les Golden Knights de Robertval. Je pense qu'on a confié le mandat à la ville pour voir s'il y a moyen de trouver des investisseurs, pour voir si à Robertval, on est intéressé par la ligue, le projet de la Ligue nord-américaine de hockey. Non, effectivement, la ville a été approchée par la Ligue nord-américaine, en l'occurrence M. Martel, le commissaire. Et puis, après quelques rencontres avec la municipalité, on m'a confié le mandat de trouver des gens qui auraient de l'intérêt à se lancer dans cette aventure-là. Et puis, le travail a été fait de notre côté. Actuellement, on a des gens qui ont de l'intérêt. Ça ne veut pas dire que l'équipe est confirmée loin de là. Nous, on fait s'est fait un petit plan de match. On travaille par go-no-go. Donc, actuellement, on a quelques étapes de franchies. Notamment, on avait l'autorisation de la ville. C'est important au niveau du conseil municipal pour qu'on puisse travailler là-dessus au niveau des loisirs. Ce mandat-là, on l'a eu. Maintenant, il y a des gens qui ont de l'intérêt à avoir une équipe à Robertval. Une autre étape de franchie. Et dans nos demandes qu'on faisait à la ligue, ben, oui, on a de l'intérêt, mais Robertval, on fait référence au Golden Knights, mais Robertval n'ira pas dans cette ligue-là s'il n'y a pas d'éléments intéressants qui vont faire qu'on va être compétitif ou peut-être pas de remporter un championnat comme les Golden Knights vont faire dans quelques semaines. Mais au moins, on va avoir du plaisir à aller voir les matchs de hockey à Robertval. C'est ce qu'on souhaite de la première année. Donc, nous, de notre côté, le dossier chemine tranquillement. On a des bonnes sur le alors c'est sûr qu'avec M. Martel, de ses autres occupations, puis je pense qu'il a quitté également officiellement le poste de commissaire. On a une rencontre demain, nous, de notre côté à Robertval, pour faire le point là-dessus, pour avoir d'autres réponses à nos questions. Je vous dirais que ça inaugure bien pour le moment. Là. Quand vous dites, Carole Martel, vous avez une rencontre demain, il y a combien de gens autour de la table? Est-ce que vous pouvez nous les nommer? Ben non, mais c'est du faux. Carole Martel va être là. Oui. Et il va être accompagné de d'autres personnes très intéressantes. Est-ce que vous pouvez nous dire le nombre de personnes sans nous les nommer? En vrai, quand, du côté de Robertval, actuellement, on va être entre 4 et 5 personnes. Et puis d'autres personnes qui vont se greffer aussi, là, soit par téléphone ou par présence humaine. On va être revenu à 5-6 personnes à discuter demain pour faire le point d'accord et tout cela. Sans nous les nommer, ben je sais que c'est le secret de Polichinelle à Robertval. Parmi les hommes qui vont être alentour de la table, est-ce qu'il y a des hommes d'affaires dans ça prêts à investir? pense que c'est ça le besoin que j'avais. Donc, peut-être trouver des gens qui étaient prêts à investir dans un projet de la sorte. Les gens ont de l'intérêt, ils n'ont pas signé de chèque encore, on n'a pas de cachette. Les gens ont de l'intérêt à investir, sauf qu'ils ont besoin de réponses encore. Donc, c'est des réponses-là qu'on va essayer de trouver peut-être en partie demain ou dans les prochains jours. Quelles sont les questions que vous avez posées à la Ligue? Questions avec réponse et questions sans réponse. Et je présume que ces questions sans réponse, vous allez y revenir. Vous avez dit tantôt, on voudrait être un peu comme Las Vegas, essayer d'obtenir des bons joueurs dès de notre première année. Quelles sont les conditions de Robert Val? La Ligue a des questions, a des conditions pour amener Robert Val dans la Ligue. Mais vous autres, quelles sont vos conditions? Nos conditions, on n'a pas émis des conditions formelles. Ce qu'on a demandé à la Ligue, si on veut savoir le fonctionnement, s'il y a repêchage d'expansion, de quelle manière va fonctionner le repêchage, combien de devoirs vont nous protéger par chacune des équipes, quel sera le territoire auquel on aura droit. Devant des questions-là, maintenant, on n'a pas encore ces réponses-là. S'il y a déménagement d'une équipe aussi, parce que je sais que c'était dans l'air, outre les discussions que j'ai eues avec M. Martel, le commissaire, avec la Ligue, j'ai pas eu d'autres discussions. Donc, est-ce qu'il y a du déménagement? Est-ce que c'est possible? C'est toutes ces choses-là qu'on doit avoir en réponse sous peu pour franchir une étape dans notre projet. Le seul déménagement qui pourrait être possible, c'est Trois-Rivières, les draveurs de Trois-Rivières. Je sais que la ville de Laval est intéressée à amener les draveurs de Trois-Rivières dans l'amphithéâtre de Laval. Est-ce qu'il y en a été question de Trois-Rivières, du déménagement de Trois-Rivières à Robertval? Parce que ça s'est parlé, vous n'avez pas officiellement, mais ça s'est parlé que ça pourrait être une concession qui serait portée à changer de municipalité. Donc, c'est dans l'air, mais on a dit ce genre de réponse qu'on ne connaissait pas encore officiellement. Okay. À Robertval, Saint-Félicien, puis dans le haut du lac Saint-Jean, est-ce qu'il y a des commanditaires qui se sont laissés à financer l'équipe de hockey de la Ligue nord-américaine? Pour l'instant, après le financement, pour le moment, on n'a pas de succès, puis les gens sont pas prudents. Donc, ça nous a permis de dire en effet, si le problème davantage, comment on va. Puis les gens qui sont prêts avec nous, on a des petits problèmes de son. Oui, le son est un peu coupé un petit peu. La réception, mais est-ce qu'on est sur téléphone cellulaire ou sur ligne dure? Une nouvelle aréna en train de faire le terrassement. Et puis, il y a un léger vent, il y a énormément de poussière et je suis dans mon véhicule. C'est pour ça. Parce qu'il me reste encore deux, trois questions. Entre autres, avez-vous commencé à regarder à Robertval ou dans votre secteur les hommes de hockey qui pourraient s'impliquer comme directeur général ou comme coach, ou si vous n'êtes pas rendu là? Non, il y a des noms qui circulent dans notre liste. OK. Est-ce qu'on peut savoir les noms? C'est trop, un peu trop rapide. Si un jour vous faites de la politique, M. Tissot, il ne faut pas toujours répondre pendant la série. Très bonne réponse, M. Martel. quand devez-vous donner votre réponse à la Ligue nord-américaine de hockey? Ben, premièrement, nous, on veut des réponses rapidement parce qu'au niveau de l'aréna, au niveau des disponibilités actuellement, avec tout ce qui s'est brassé avec la concentration liée à la polyvalente de Robertval, parce qu'on a trois nouvelles équipes au niveau du hockey scolaire, l'aréna, on figure présentement avec une équipe senior, une équipe junior 2A, et ligne nord-américaine, junior 2A, puis le hockey scolaire, on est quasiment à 100% d'utilisation. Donc, pour notre côté, à nous, c'est important d'avoir des réponses très rapidement, puis c'est pas cet automne qu'on a besoin des réponses. Je vous dirais que ça va nous prendre des réponses en juin, quasiment au plus tard, fin juin, il faudra nous prendre officiellement des réponses, savoir si on va dans ce projet-là. Parce que c'était ma prochaine réponse. Nous, on a perdu au Saguenay notre instructeur adjoint chez les Saguenayens de Chicoutimi. Simon Gaudreau, il rentre chez vous. Oui. Et comme vous le disiez, Carole Martel, vous avez trois nouvelles équipes de hockey scolaire qui s'amènent chez vous à Robertval. Le centre sportif Benoît Lévesque, il va être utilisé solide à plein temps. Ah, définitivement. Puis c'est pas des blagues qu'on fait. On va être près de 100% d'utilisation. Si on a la Ligue nord-américaine, on a presque 100% d'utilisation de nos heures de glace. Wow. Donc, pour un aréna comme chez nous, avec notre population puis les alentours, on est très, très, très satisfait de ça. Je pense sincèrement qu'il y aurait une rivalité incroyable entre les Marquis de Jonquière et les Golden Knights de Roberval. On va les appeler comme ça pour aujourd'hui, là. Mais je sais que c'est pas le nom qu'ils vont porter. Mais parce que Dominique et moi, on assiste régulièrement au match des Marquis au Palais des Sports. Et il y a une grosse clientèle, et d'Alma, et de Métabitchouane, et de Chambord, et de Roberval, et de Saint-Vélicien, et de Dolbeau, et tout le monde en parle. Absolument. Je peux vous dire qu'il y aurait beaucoup de monde qui assisterait à vos matchs. Et je suis certain, Dominique, corrige-moi si je me trompe, les Marquis joueraient à Roberval vendredi soir, et il y aurait 200-300, peut-être plus, bon, c'est sûr, 300 certain. Personnes de Roberval, de Jonquière qui montraient à Roberval. On a déjà évalué, il y a quelques années, le nombre de spectateurs venant du lac Saint-Jean qui venaient au match des Marquis, entre 20 et 25 %. C'est très bon. C'est une personne sur quatre, une personne sur cinq. Là. Non, nous aussi, on est confiants d'une rivalité qui serait... Les arénas sont pires, on en est convaincus. C'est pour ça qu'on veut avoir une équipe dès la première année, si tout se passe bien, qui est le fun à regarder. On ne parle pas de remporter un championnat, là, vous comprendrez, mais qui est une équipe qui est intéressante à regarder. On ne mange pas des volets à trois fois. T'sais, on a une chance, comme on dit, mais on aurait une chance de remporter les matchs quand on... Ça, c'est intéressant. Les gens vont venir, puis on est convaincus que les gens vont être derrière l'équipe si l'équipe est là. Vous allez avoir une rencontre cette semaine. Juste un dernier point en terminant lors de votre rencontre. L'importance de la couverture médiatique pour une équipe de hockey. Nous, ici au Saguenay, je pense que les Marquis ont une très bonne couverture avec le journal Le Quotidien, avec les radios locales. Nous autres, entre autres, on décrit les matchs. Dominique décrit les parties à l'extérieur des Marquis de Jonquière. La télévision. Chez vous, vous n'avez pas de télévision, mais dès demain, j'ai un entretien, moi, à Roberval avec Louis Arcan. Je pense que la radio, la planète Roberval, pourrait embarquer avec l'équipe de hockey de la Ligue nord-américaine. Et c'est très important. Si vous avez l'appui de la radio et des médias locaux chez vous... Même si c'est pas une grande ville comme Saguenay, avec l'appui des médias, vous pouvez aller loin dans votre projet. On est très conscients de ce démarrage, M. Dufour. Carole Martel, merci beaucoup. On se revoit à l'automne dans un match en concours. Ça va faire plaisir. Au revoir. Merci. Carole Martel.